vous amis. Ah, mais ça va. La quatrième. Salut les amis. Salut Guillaume. C'est quoi le débat là? Mais je suis. Oh, ah, on n'en parle pas, quel scandale! Ah ouais! C'est un scandale! Musicalement? Non, politiquement, c'est un scandale! Ah bon? Bah oui, l'Europe ne nous aime pas, voilà, c'est voilà, tout. Il a raison! Ouais. Ah ouais, ça la dérange que chaque année on ait la meilleure chanson, ouais. Et puis c'est tout. Oh, Benoît! Ah ouais, quel charisme elle avait sur son champ de bataille! Ah ouais. Excuse-moi, mais comment t'expliques que malgré tout ce charisme, il y avait une chanson merveilleuse! Magnifique! Hein, vous finissez chanson. Qu'avec 4 points! Je vous le dis, c'est un scandale géopolitique, c'est tout! Oh, c'est pas vrai, les Arméniens, ils vous ont donné 3 points! Ah, salaud! Hollande est un des seuls présidents à avoir été sur place pour le génocide et il nous donne que 3 points, franchement, ça me donne envie de les finir à coups de pelle, ouais, les Arméniens. Ça va, donc c'est pas géopolitique. Non, mais quoi. ça m'énerve. C'est nous, tout, on c'est l'a fait quatrième. Salut les amis, salut Nicole. Nicole, c'est un scandale, on peut leur dire, c'est un scandale. De quoi? Mais l'Eurovision, c'est un scandale. Oh, on l'a fait mieux que vous, on l'a fait quatrième. Pardon, c'est-à-dire. Ben oui. On a fait quatrième, les Belges. Ah, d'accord, ouais, mais non, parce que moi, en fait, je suis suédoise. Donc, Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, du sud de la Suède, quoi, mais je suis suédoise, donc moi, j'ai gagné. N'importe quoi, attends. Parce que Féronie. Non, non, mais en fait, au départ, c'est Féronisson. Félicitations. Ouais, de toute façon, à Cannes, qui est-ce qui a gagné à Cannes? Les Français. Hein, ouais, c'est les Français, okay, voilà. Okay, c'est pas les Belges ou les Suédois, voilà. Oui, mais en fait, moi, ma mère, elle est française. Donc, ah bon, d'accord. Voilà, bah, bravo, vois, alors, d'accord. Mais alors, les Belges, vous avez gagné quoi ce week-end, vous alors? Il a fait un truc, bref, ce week-end. Rien, allez, les Belges, au boulot, ça va. Quelqu'un veut du Kresprols? Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui renvoie l'actualité dans les vestiaires. Et voici les 3 infos qui vont finir sur le banc jusqu'à 18h. Demain, 4 résistants seront canonisés dans le temple de la nation. François Hollande doit donner le principal discours de son quinquennat et pourtant... Tout ça c'est du bidon. Le Panthéon, les Invalides... La Madeleine, tout, oui, du bidon. Cannes a couronné le cinéma français, n'est-ce pas la preuve qu'il est ennuyeux, hein? Alors qu'en pense-t-on chez les Audiards? Toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de morveux. Si vous êtes casé en maison de retraite, il y a un avantage à avoir été SDF, c'est qu'on peut picoler à domicile. Chacun son truc pour survivre comme on peut. Primo, monsieur, je ne couche jamais sous les ponts, quelle que soit la saison. Secondo, à partir de novembre, je ne connais que 2 solutions convenables. La prison ou la Côte d'Azur. Ça, c'est mon truc. Et pour mixer ces 3 infos, tel un DJ de la blague, je suis accompagné d'Alex Vizorek. Bonjour, ma petite. Il y avait du gabin dans le générique. Bonjour, Melonaker. Bonjour à tous. C'est autour de la table. À 17h20, celle qui peut expliquer aussi bien le mouvement des planètes gazeuses que l'érection chez la mouche tché. C'est vous dire, si elle est experte, notre scientifique Nicole Ferroni. Oui, bonjour. Et quel est le thème? Nous parlerons de Monsanto et du Burkina Faso. Très bien, voilà. 17h30, celui qui ne prend pas de jour férié pour aller ennuyer la France d'ouest en est et surtout l'est. Bonjour Guillaume Meurice. Et oui, bonjour Alex, bonjour Charline. En effet, je suis allé à Mulhouse à la rencontre d'Alsaciennes qui militent contre la fusion des régions et qui distribuaient aux élus locaux... La Valsine, c'est pour une fusion sans douleur. La Valsine, vous avez compris le petit jeu de mots? Voilà, on parlera donc choucroute et sodomie. À 17h40, celle qui a reçu cette année le prix d'interprétation féminine dans « Viens ici que je te mette un râteau » du polonais Alex Vizorek. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. Comment allez-vous, de quoi parle-t-on? D'abord je vais bien, je vous remercie. Ensuite on parlera du livre de notre invité qui est une bombe textuelle. Une bombe textuelle. Et oh là là, c'est vrai. Alors il était plus beau... Alain Delon dans les premiers films, notre invité. C'est dire. J'ai oui, là. Ah non, non, non, mais vous êtes toujours beau, mais vous êtes encore plus beau qu'Alain Delon aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que vous lui en mettez plein la figure à Delon. Non, mais moi, je me suis pas parfait. Refaire. Enfin, c'est pas grave. Oh, vous êtes bien comme vous êtes. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Et aujourd'hui, quel référent de la République? Vous êtes né sous Albert Lebrun, même si vous avez fait croire que vous étiez né sous Gaston Doumergue. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma en 42, c'est l'année où le Figaro consacre un éditorial au swing, comme quoi à l'époque le Figaro avait le swag. La Cinémathèque vous consacre une première rétrospective en 68 quand les Shadocks apparaissent à la télévision et vous rachetez votre premier cinéma en 94 pour y distribuer vos films. Quand Tarantino reçoit la Palme d'Or à Cannes, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Jean-Pierre Mocky. Bienvenue. Bien, je ne peux être que ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oui, ce qu'il fait. Vous adoreriez être Tarantino? Oui, oui, parce que je l'aime beaucoup. C'est un type libre, peut-être plus libre que moi encore. Lui, il dépote comme le tous festival les Américains. Vous savez que les enfants américains sont terriblement libres quand ils sont jeunes. C'est pour ça qu'ils deviennent de très bons acteurs. Ils savent où mettre leurs mains, etc. Parce que nous, on ne sait pas. Les Français ne savent pas. Les Français ne savent pas quoi faire de leurs mains. Ben non, surtout les acteurs. Vous, Jean-Pierre, vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Si, moi, je sais quoi faire. J'ai appris. Vous auriez aimé être américain? Vous auriez préféré être américain? Pour mes enfants, oui, j'ai beaucoup d'enfants. J'aurais préféré qu'ils soient élevés aux États-Unis parce qu'on leur laisse une liberté quelquefois trop grande. Mais ils sont simples, ils sont bien habillés avec des blue jeans. Qu'est-ce qui a inventé le blue jean? C'est pas moi. Hein. Et vous avez, est-ce que c'est vrai le fait que vous avez 17 enfants et vous l'avez appris sur le tard de tas de femmes différentes? Parce que vous savez, à l'époque, on baisait en 48 à cause de M. Sartre et de M. Camus. On tirait des coups tout le temps. Et résultat, on ne sait pas combien on a d'enfants. Il n'y a que les femmes qui peuvent le savoir. Il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Et aujourd'hui, ben, on essaye de retrouver avec l'ADN, parce qu'il y a tellement de possibilités d'avoir des enfants. Oui, vous auriez pu intituler votre livre « Je vais encore me faire des enfants ». Mais... mais j'en ai beaucoup, j'en ai peut-être une cinquantaine, je ne sais pas. Donc là, vous recevez régulièrement des demandes de pension alimentaire, etc. Non, alors ça c'est bien, parce qu'on dit que les femmes sont perfide et que... Oh non, on le dit à propos des enfants seulement, elles veulent une pension, etc. Alors moi, jamais on en a réclamé, donc je suppose que ce sont mes enfants, parce que vous je vois pas tout pourquoi. Le temps que vous êtes ruiné, alors c'est peut-être pour ça. Oui, je suis pas très riche, mais enfin, je pourrais pas leur donner grand-chose. Jean-Pierre Mocky, est-ce que vous seriez passé par la Belgique dans les fins des années 70 ou pas? Si ça trouve votre fille. Oui, je suis passé par la Belgique et j'ai un enfant belge. C'est une petite fille, mais maintenant c'est une vieille fille. On la sait. Elle n'est pas toute jeune, publiez... elle a 52 ans. Alors. Vous publiez, je vais encore vous faire des amis. Jean-Pierre Mocky, c'est Paris au Cherche Midi. Et vous dites souffrir du syndrome de Beethoven. C'est une question que Clara a pour vous, avant de chroniquer bien sûr votre livre dans 30 minutes. Oui, vous commencez comme ça, en parlant de la malédiction de Beethoven. Qu'est-ce que c'est que la malédiction de Beethoven? La malédiction de Beethoven, c'est que Beethoven est devenu d'abord sourd à un certain âge et il habitait dans une petite maison. À côté, il y avait une brasserie. Et un jour, il avait plus d'argent pour se payer de la bière dans l'après-midi. Il prenait des gros trucs de bière, des barons de bière, et il est allé voir l'aubergiste. Il lui a dit, je te donne ma musique contre un boc de bière tous les jours. Et le type a refusé. C'est ça le syndrome de Beethoven. C'est-à-dire que Orson Welles, lorsqu'il a fini sa vie, et c'était mon ami à l'époque, à la fin de sa vie, eh ben, il n'y avait personne avec lui. Tati, quand il a fini sa vie, personne n'était avec lui. Et pour finir, M. Fellini, dont je fus l'assistant, eh ben, non plus. Il n'y avait plus personne. Il est mort tout seul. Modigliani donc aussi. C'est ça. Alors, parlons pas de Modigliani, qui est mort sur un banc, complètement ruiné. Après, il y a un mec qui a acheté tous ses tableaux, qui aujourd'hui, ça vaut 3 millions d'euros un tableau. Mais alors, vous n'êtes pas encore mort sur un banc. Pourquoi moi, je ne suis pas mort sur un banc. D'ailleurs, je ne mourrai pas sur un banc. D'abord, parce que je n'ai pas de banc, pour commencer. Et deuxièmement, parce si c'est que ça, je peux vous en prêter, hein. Vous voulez dire par là quoi? Que en fait vous êtes adulé, mais... Non, mais on n'est pas adulé. On me dit que je suis un dinosaure. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. Et tous mes camarades sont morts. Et Chabrol, Truffaut, Mal, enfin, Vadim, toute la bande, ils sont tous morts. Alors évidemment, je deviens un dinosaure. Et même Lautner, tous ces gens-là, ils sont morts. Alors je reste au champ d'honneur. Là, on est en train on me met pas au Panthéon, moi, mais je veux dire... le Panthéon, dont on va parler tout à l'heure, on va pas en parler maintenant, mais il y a 71 places au Panthéon actuellement d'occupés, mais il y en a beaucoup plus. Il y a encore de la place là-bas, il y a personne. On met deux femmes, mais il y en a peut-être cinq ou six. Alors ça pourrait faire des logements? Oui, on pourrait. Non, mais c'est quand même extraordinaire qu'on ne loge que certaines personnes là-bas. Oui, mais vous citez Ozan, on va reparler après du Panthéon. Oui, mais pour revenir juste à Beethoven, Modigliani, Fellini, etc. Mais voilà, alors les artistes sont maudits. En quoi est-ce que vous... Ah, c'est ça. Mais on est maudits parce qu'on n'est pas aidé par la culture, on n'est pas aidé par la droite, on n'est pas aidé par la gauche, on n'est pas aidé par le centre, on n'est pas aidé par les mécènes, on n'est aidé par personne. Voilà. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Mocky, vous dites que le pire ministre de la culture pour vous, c'est Renaud Donodieu de Vabre? Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi? C'est pas que c'est le pire, c'est qu'il n'avait rien à foutre là. Voilà, même qu'à Yagon, tous ces gens-là. Et d'ailleurs, à Yagon, maintenant, il est à Versailles. Parce qu'on les déplace. C'est-à-dire, on les met là, à la Villa Médicis, ou alors Mitterrand, il était à la Villa Médicis, après il est là. On déplace ces gens-là. D'ailleurs, il y a le scandale de la femme actuellement, là. De Lina. Qui est, de Lina, vous voyez, mais on les déplace, Agnès, on les jette pas, on remet toujours les mêmes. Bah oui, mais on sait pas quoi faire avec eux. Et ce qui est intolérable, c'est que moi j'ai du respect pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été ministres de la culture, mais ils n'avaient rien à foutre. Ils devraient être à l'agriculture, à la santé, à je sais pas où. Mais pas là. Parce que là, il faut des gens comme Malraux, comme Raymond Queneau, comme Cocteau, comme je sais pas qui, comme Jacques Lang. Non, moi j'ai horreur d'avoir des trucs pas officiels. Mais je trouve qu'il faut à la culture quelqu'un qui comprend la culture, qui écrit, qui sait écrire. Et s'il ne sait pas écrire, il sait pas, il peut pas lire des textes. Alors il y a eu des dames, Madame Trottmann, qui est quand même, pour moi, le pire de ce qu'il y a eu, c'est-à-dire l'Alsacienne qui vendait de la choucroute. Enfin, pour moi, elle avait comme un nœud papillon sur la tête. Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Et qu'est-ce qu'elle foutait là ? C'est vrai, elle a été mise de la culture. Alors, moi, je ne sais pas. Et c'était des femmes qui me donnaient des rendez-vous dans des cafés. Mais non. Et je ne sais pas ce que c'était hallucinant, ce destin-là. Mais enfin, bon, je ne vais pas me battre. Enfin, qui annulait les rendez-vous en envoyant leur secrétaire. Par contre, il y en avait une qui était très bien, c'est Madame... Filippetti. Non, on n'en parle pas. Non, mais, non. Non, l'autre. Oh, merde, j'arrive pas. Albanel. Voilà. Alors, une femme qui n'est pas de mon bord, mais qui est une femme de théâtre. Elle aimait le théâtre, elle écrivait, et en plus, elle m'a donné de quoi faire un théâtre, c'est-à-dire le rideau, etc. Voilà. Et moi, non, mais c'est bien. Non, elle a fait son travail, elle a aidé un artiste d'avoir quelque chose. Et ça, et quel que soit son truc, son parti politique, elle a été utile. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marrerait si on avait Jean-Pierre Mocky au ministère de la Culture ? Ça, et voilà. C'est la première conclusion. Je vous nommerai peut-être directrice de la radio. De la... Au sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Oh. Sereine, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Oh, we're lost in the sea. Oh, we're lost in the sea. Oh, we're lost in the sea. Oh, we're lost in the l'absence, qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sangles si longs faisaient couler l'acide. Au sombrero de la mer, Noir Désir sur France Inter pour Jean-Pierre Mocky qui est avec nous jusqu'à 18h et qui publie Je vais encore me faire des amis. C'est publié au Cherche Midi et pour entourer Jean-Pierre Mocky. Ah, mais Jean-Pierre Mocky, c'est le directeur du Desperado. C'est là où on va voir les petits films, les anciens films. Faut y aller. Oui. Et moi, je vais y aller, vous savez qui ? Avec Clara Dupont-Menot ou avec Nicole Ferroni ou avec Guillaume Meurice qui lui va plutôt à Mulhouse. Et il était dans les rues de Mulhouse tout à l'heure. C'est toujours bien quand vous expatriez, mon cher Guillaume. Voilà, si vous passez par le quartier latin, le Desperado, c'est chez Jean-Pierre Mocky. Allez Alex, nous on consomme massivement l'actu, on la passe à l'essoreuse. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par un vrai faux retour qui me met en joie. Je sais. Parce que c'est toujours beau un retour d'Arnaud Montebourg. Eh oui, Charline, petit son cadeau pour vous, puisque ce week-end, il a quitté son habitat pour endosser les vêtements du vieux campeur. Il était en haut, il attendait son ami, il l'avait promis, il ne dirait plus rien politiquement. Vous savez ce qu'a dit Euripide, un grand poète grec, il a dit « Parle si tu as quelque chose à dire plus fort que le silence, sinon garde le silence ». Sauf qu'Euripide, il l'a pas dit, il l'a écrit, cette phrase. Sinon, ça perd tout son intérêt quand Montebourg l'a dit. Allez. Donc c'était le week-end des balades. C'était le week-end des balades aussi pour Marion Maréchal Le Pen, qui a fait un pèlerinage, celui de Chartres. Et je pense qu'elle voulait rencontrer des gens qui aiment les valeurs familiales, puisque chez elle, on en trouve de moins en moins dans son entourage. Et samedi, Roselyne Bachelot était l'invitée de Salut les Terriens sur Canal. Effectivement, et Thierry Ardisson s'est prêté un petit questionnaire sur la différence entre les médias et la politique, qui sont les deux derniers boulots de Roselyne. Alors, entre les deux, le métier où les gens ont le plus le melon, la politique ou la télé ? La télévision. Ah ouais. Ah oui, certainement. Ah ouais. Alors, le métier où il y a le plus de faux cul ? Alors là, je dirais 50-50. Ah ouais. Le métier où ça baisse le plus, Roselyne ? Les médias. Ah ! Et voilà, on sait donc pourquoi Roselyne a quitté la politique. Ah oui. Médias et politique sont les deux mamelles de Roselyne. Quoi. Et voilà. Ça. Voilà Mais l'événement télé du week-end, c'était l'interview exclusive de Diams. Oui, dans cette habit sur TF1, elle a dit qu'elle se trouvait une femme vulgaire avant. Et ça, franchement, il fallait pas se convertir à une quelconque religion pour s'en rendre compte. Un peu de bon goût aurait suffi. Il manquerait un petit titre pour terminer. Oui, je sais que vous aimez mes titres pour terminer. J'adore ça, oui. Ivre, il va chez les gendarmes chercher son fils, arrêté pour alcoolémie au volant. Son fils avait 1,1 g et il s'est dit, je vais aller le chercher, sauf qu'il a dû souffler. Il avait 0,5 et donc ils ont enlevé 2 permis. Et c'est les amis du père qui sont venus le chercher, la force de l'hérédité. Donc, il y a un gagnant au soufflemètre, quoi. Le fils a gagné. Ah, c'est bien. Vous voyez, avec 17 enfants, ça doit être dur si vous devez tous aller les chercher, Jean-Pierre. Allez, jusqu'à 18h, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Mocky, qui publie « Je vais encore me faire des amis » au Cherche Midi. Et on va vous aider, Jean-Pierre, à vous faire encore plus d'amis aujourd'hui. Et nous aussi, parce qu'on compatit. C'est un sport national. Avec ce premier sujet, les valeurs de la résistance entrent demain au Panthéon, accompagnées par François Hollande. Étiez-vous ou non super résistant ? Je n'ai rien à voir avec ce Superman d'opérette. J'étais coiffeur stagiaire à la Madeleine. J'avais un travail fou. J'ai dû porter 2 ou 3 messages pour les résistants. Voilà, c'est tout. On va pas en faire une jaunie. Non, Monsieur Bourdel est beaucoup trop modeste et c'est tout à son honneur. Mais il était fort connu dans la résistance sous le nom de Sparadrap. Sparadrap. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés, genre Rocky. Voilà, c'est un Martin Lamotte. Non, Papy fait de la résistance, bien sûr. Alors, les 4 résistants vont entrer dans leur dernière demeure, parce que première, ils pensaient que c'était la dernière, mais il y en a encore une derrière, voilà. Une forme de canonisation républicaine, parce que finalement, il y a quand même certains codes du religieux dans cette histoire. Une espèce de grand show aussi, où il va y avoir beaucoup de caméras, un souffleur pour dire à François Hollande où il doit aller, une réalisation par un réalisateur de télévision. Ça a tout pour vous plaire, ça, Jean-Pierre Mocky ? Ça vous aurait plu de réaliser ce genre de choses ou Non, pas du tout, non. Je vais vous dire, moi, ce qui je trouve émouvant, c'est ces gens qui se sont battus pendant la guerre, ça, il faut bien dire. Mais choisir seulement ces 4-là, je trouve que c'est un peu injuste, parce qu'il y en a d'autres. C'est toujours pareil. Pourquoi ces 4-là ou ces 5-là, je ne sais pas. Alors, à travers les 4, évidemment, c'est la résistance qui est oui, mais il y avait d'autres résistants et des histoires qu'on ne connaît pas, parce que vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées par la résistance que les gens ignorent. Même oui, mais les c'est mieux d'en faire 4 que pas du tout. C'est une façon mais de. Bravo, de non, rendre... je ne suis pas contre, moi. Je veux dire, on peut enterrer des tas de gens. Ouais. Mais disons qu'il y a un déficit de logement au Panthéon. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a non, un moment. Non, mais ils sont quand même que 70, on dit encore de la place. On peut bourrer, vrai. On peut mettre des étages. Faudrait mettre plus d'artistes, à votre avis ? Au Panthéon. Je pense pas à vous directement, bien moment, que je sais que y vous y avez en a pensé. Pas. Et je crois pas qu'il y ait des artistes, à part Malraux, qui était un artiste et qui m'a énormément aidé, moi, donc je suis très content qu'il soit là. C'est un hommage, mais je veux dire, à part lui, est-ce qu'il y a d'autres ? Je sais pas. Il y a évidemment Victor Hugo. Zola, écrivain, maître. Zola, c'était formidable d'avoir mis Zola. C'est quand même un résistant, lui aussi. Je veux dire, on aurait pu le bouder. avec l'affaire Dreyfus et tout ça, on aurait pu l'envoyer au diable. Alors, ça permet à Hollande de placer quelqu'un, mais là, pas de son vivant. Alors, d'habitude, on place quelqu'un de son vivant, mais là, non, au moins, il n'aura pas de soucis. Voilà. Donc, le choix des entrants, ça permet aussi au président de la République d'imprimer, de montrer les valeurs qu'il veut imprimer à son quinquennat. Oui. Et là, ce sont les vertus du combattant. Oui. Amour de la patrie, courage, endurance, fermeté face à l'adversité. C'est tout François Hollande, ça. Mais c'est le Mali, c'est tout ça, c'est toute la sauce. Ben oui, c'est son truc où il triomphe. Heureusement, il triomphe là-dedans. Ouais. Triomphe à l'extérieur, pas à l'intérieur. Allez, on va parler aussi tout à l'heure du Festival de Cannes avec Jean-Pierre Mocky et des SDF, parce que je pense que vous travaillez sur un prochain film. Je suis très ému par les SDF, parce qu'on a une fausse impression sur les SDF. On croit que ce sont des mendiants, des clochards qui se poivrent, etc., et que c'est une population misérable, etc. C'est pas vrai, il y a des PDG dedans, des docteurs, des architectes, il y a plein de gens qui sont SDF. Et on croit que c'est des clodos classiques qu'on voit dans les cinémas. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Avant, je vous présente Nicole Ferroni, qui est à votre droite. Bonjour. Je suis charmée. Mais attendez que je parle. Alors, dites-moi des méchancetés, comme ça je serai plus charmée. Je voulais juste revenir sur le Panthéon. C'est vrai que voilà, je pense que pour beaucoup, ça a été difficile de rentrer au Panthéon. Voilà, sûrement pour d'autres, ça a été plus difficile de rentrer chez soi samedi, notamment ceux qui habitent vers Denfert-Rochereau, du côté de Ouagadougou, puisqu'il était organisé ce samedi une marche contre les OGM. Et comme le précise l'article de Libération de dimanche, et ben cette marche concernait effectivement surtout des paysans, mais pas seulement, parce que c'est vrai que souvent on dit au Burkina Faso, j'y suis allé, oh là là, c'est des paysans. Non, c'est pas que des paysans, c'est aussi des chercheurs en agronomie, des consommateurs qui se sont associés à cette marche pour pointer du doigt les désagréments liés à la culture de coton transgénique, le fameux coton BT conçu par Monsanto. Alors pourquoi BT ? Parce que les chercheurs ont implanté dans ce coton le gène d'une bactérie nommée Bacillus thuringiensis, et donc c'est un bacille qu'on retrouve fréquemment dans les sols et qui produit naturellement une toxine qui tue les papillons ravageurs du coton. Et donc, les chercheurs, en fait, ont isolé chez ce bacille le gène de cette toxine. Et en retour, ce bacille a eu la générosité de donner son gène sans contrepartie. Il a fait ça, voilà, avec beaucoup de savoir-vivre, une grande politesse. Ça a été, voilà, vraiment un bacille poli qui a contribué à la réussite de cet OGM, à ne pas confondre avec Basile Boli, qui a contribué à la réussite, non pas de l'OGM, mais de l'OM tout court, sans le G, même si c'était par un G de la tête, c'est-à-dire un tir de la tête, que Basile voilà, avait permis à l'Olympique de Marseille d'être champion le 26 mai, hein, d'ailleurs, donc c'était il y a 22 ans, tout rond. Donc bref, pour en revenir du coup au coton de type BT, une fois en fait que le fameux gène est implanté dans le coton, celui-ci est censé devenir résistant aux papillons ravageurs, et donc normalement mieux pousser, mieux avoir un meilleur rendement et donc de meilleurs bénéfices pour les agriculteurs, sauf que si c'est apparemment le cas les premières années, eh ben, il apparaît qu'au cours du temps, en même temps qu'augmente la proportion de ce coton BT, augmente la proportion des agriculteurs embêtés, car endettés, pour ne pas aller jusqu'à dire décédés pour certains, puisque si on va sur le site de Monsanto, à la page idées reçues, il y a quand même ce sujet, suicide d'agriculteurs en Inde, y a-t-il un lien avec le coton BT ? Et vous pourrez lire cette petite phrase, donc, de point ouvrir les guillemets, si vous tapez Monsanto sur internet, vous trouverez probablement des sites prétendant que l'échec de notre semence de coton transgénique a conduit à de nombreux agriculteurs à se suicider en Inde. Alors que non, absolument pas. Moi, j'ai fait le test. Si vous tapez sur internet Monsanto Inde, vous ne trouvez pas des sites qui prétendent cela. Vous trouvez des sites qui l'expliquent. À commencer d'ailleurs par le site de Monsanto lui-même, qui explique que son coton transgénique, exactement comme les pesticides classiques, peuvent s'avérer au bout d'un certain temps inefficaces puisque les chenilles deviennent résistantes. Donc, en fait, quand on sait, alors quand même que ces semences coûtent 27 000 francs CFA pour un hectare contre 1000 pour des graines classiques, c'est vrai que ça fait un petit peu cher l'inefficacité, surtout quand on doit replanter l'inefficacité chaque année. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, on peut se dire, oui, mais est-ce qu'on va leur souhaiter l'efficacité de ces OGM ? Là est la question. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux articles scientifiques qui s'opposent à ce sujet. Selon la revue Nature ou Nature, en étant naturellement résistante, ces plantes permettent de diminuer le recours aux insecticides. Et donc, en Chine, on observerait le retour de coccinelles, araignées, ce qui permet à la revue Nature de qualifier d'écologique ce coton transgénique, alors que la revue Science ou Science qui, elle, au contraire, trouve que ça n'est pas possible puisque l'écosystème chinois, au contraire, se trouve déréglé du fait que le coton transgénique, en luttant contre le champignon, contre le papillon, conduit à la prolifération de punaises. Non, parce que les gens notent pendant que vous parlez, oui, hein, donc que soyez clair. Oh, punaise, dirait Homer Simpson. Donc, d'où le besoin du Burkina Faso de mesurer ces enjeux qui ne sont pas des enjeux bénins, déjà parce que le Bénin, ce n'est pas le Burkina Faso, puisque le Bénin est beaucoup plus au sud, et ensuite parce que le Bénin, tout comme le Niger, le Mali, contrairement au Burkina Faso, n'a pas encore fait le choix de ce recours élargi du coton transgénique. Alors, vous voyez, tout le monde dit oui, au Mali, en ce moment, il file du mauvais coton. Non, ce n'est pas les Maliens qui filent du mauvais coton, mais les Burkinabés, puisque la fibre du coton transgénique étant plus courte, eh ben, elle est du coup de moins bonne qualité, ce qui fait que la production nationale burkinabé a été déclassée en 2012 sur le marché mondial. Alors du coup, vous voyez, je pense que pour trouver des arguments pour se défendre, je sens que pour Monsanto, ça va pas être coton. On n'a rien compris non plus. Sigil la chute de Nicole Ferroni sur France Inter à 17h32. Merci Nicole. Oh, je vous en prie. Allez, on est en compagnie de Jean-Pierre Mocky. Il est avec nous jusqu'à 18h. Je vais encore me faire des amis, dit-il. C'est son livre au Cherche Midi. Et on va l'aider pour ça sur France Inter jusqu'à 18h. James, Do You Remember? C'est un Australien qui se fait connaître sur le web et son premier album est en préparation. Et bon, ça ne réjouit pas Jean-Pierre Mocky. Non, j'espère qu'il le préparera longtemps. C'est pas votre cam, Jean-Pierre Mocky. C'est pas la BO du prochain Mocky. Voilà, fera pas la BO, c'est sûr. Je vous présente votre camarade à votre gauche, Jean-Pierre Mocky. Oui. Il s'appelle Guillaume Meurice. Il et fait des comics d'investigation. Ah ben c'est très bien. Vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça donne. C'est original, c'est nouveau, c'est frais. Allons-y. Eh bien oui, Charline, toute la semaine dernière, je vous ai fait vivre les coulisses du Festival de Cannes et ce week-end, je suis allé à Mulhouse. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, Clara. Passer du Festival de Cannes à Mulhouse, c'est un peu comme passer de Las Vegas au Kosovo. Franchement, je trouve pas ça très sympa de votre part, Clara. N'importe quoi. Si, surtout qu'ils sont à cran, les Alsaciens, en ce moment, à cause du projet de fusion des régions. En effet, l'Alsace devrait fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et des élus du Haut-Rhin se sont donné rendez-vous pour en discuter à Mulhouse. Par exemple, le maire de Danemarie, Paul Mundbach, pour qui la fusion des régions est... Tout simplement, c'est une catastrophe. Je pense très franchement que... Ah oui, à ce point-là, quand même. Ah, non, c'est plus qu'une catastrophe. Ah, plus qu'une catastrophe. C'est plus qu'une catastrophe. C'est un changement de société qu'on est en train de nous préparer. Et voilà, un changement de société, ni plus ni moins. Il y a eu quoi ? La découverte du feu, Internet, et il y aura la fusion de la choucroute et du champagne. Préparez-vous à un changement de civilisation majeur. Qu'en pense Bernard Sakepé ? C'est le maire de Vikersuirn. Je vais vous dire, je suis champenois d'origine, je ne suis pas trop pour la Champagne-Ardenne. Mais au moins... Vous avez trahi votre patrie. Ah, je ne l'ai pas trahi, mais ils ne conservent pas la vie comme nous. C'est vrai, ils ne sont pas comme eux. C'est complètement une autre manière de vivre. D'ailleurs, il y a un épisode de Rendez-vous en Terre Inconnue où Frédéric Lampez emmène un Alsacien en Champagne-Ardenne. Eh ben, le type est paumé, hein, parce que c'est autre chose, parce que les champenois sont différents. Comme dirait Bernard, les champenois... C'est des têtes de cochon, sans pas dire autre chose. Mais vous en êtes une alors, parce que vous venez de là-bas. Mais tout à fait. C'est pour ça que je suis maire en Alsace. C'est ça, vous avez fui la région Champagne-Ardenne. Voilà. Voilà la Champagne-Ardenne. Allez, dans toute société, il faut des bâtards. Le principal, c'est de savoir où ils sont. Ouais, c'est un petit poil violent pour notre ami Bernard. Bon, s'il y a une guerre mondiale et que vous êtes champenois, n'allez pas vous cacher dans la cave de Bernard, en gros. Hein, c'est quand même fortement déconseillé. Bernard, qui cultivait pourtant une double culture jusque dans son physique. Vous êtes un peu le sosie de Jean-Pierre Coff et de Michel Sapin en même temps. Tout à fait. Merci. C'est vrai. C'est vrai. On vous le dit souvent ? Oui, on me le dit souvent. Mais j'ai un avantage par rapport à Jean-Pierre Coff, c'est que moi, je sais cuisiner. Voilà, après, ça fera plaisir à Jean-Pierre Coff que nous recevrons demain, et qui est Lorrain, hein, je le rappelle, d'où la rancœur de Bernard. Ça va loin, hein, ça va même très loin, puisqu'il y avait des activistes alsaciennes qui se font appeler les Alsaciennes réunies, qui étaient venues manifester devant la salle de réunion. Bon alors, soyons honnêtes, quand elles se réunissent, elles sont 12, mais quand même, elles étaient là, en costume traditionnel, n'est-ce pas ? Ça, c'est une jupe traditionnelle. C'est de couleur violette, c'est pour les protestants. Couleur rouge, c'est pour les catholiques. Et ensuite, c'est customisé avec ce qui nous plaît. Ça, c'est customisé avec Zara. Non, c'est pas Zara. C'est H&M. H&M. Voilà, les Alsaciennes traditionnalistes qui portent du H&M. C'est comme si les petits-enfants chinois qui les fabriquent portaient des coiffes alsaciennes. À moins que ce ne soit pas H&M, mais Hachheim, une petite ville d'Alsace. Laissons-leur le bénéfice du doute. Parce qu'il y a d'autres traditions qu'elles veulent préserver. Par exemple, la langue alsacienne. Tu es amour qu'à France Inter. Oh, on a l'impression de se faire agresser. Mercento et Melsos. Hola Froya Senvor. Là, vous venez de me faire une déclaration d'amour, cher Fanny. Voilà, tout à fait. Voilà, une déclaration d'amour qui te donne envie de mourir quand même. Hein. Un petit peu comme celle que vous faites à Clara à chaque début d'émission, Alex. Vous la ferez en alsacien d'ailleurs, Alex, maintenant. Ça sera encore plus violent. Alors, dernière chose à laquelle tiennent les Alsaciennes et les Alsaciens traditionalistes, le concordat. Eh oui, en Alsace, les rabbins, les prêtres et les pasteurs sont rémunérés par l'État. Mais alors, pourquoi pas les imams ? Retournons voir Paul Mundbach. Moi, j'ai rien de particulier contre les imams du moment qu'ils respectent la République. Donc vous seriez pour rémunérer les imams Mais non, ça veut dire tout simplement que je suis pour réexaminer effectivement un certain nombre de choses. Oui, mais est-ce que vous seriez pour rémunérer les imams? Écoutez, par l'État. Moi, si les prêtres catholiques, etc., sont rémunérés, je vois pas pourquoi on ferait des différences. Ils sont même rémunérés. Ils sont oui, pas rémunérés. Et alors? Ok, donc vous êtes pour. Je... Parce que vous avez du mal à le dire, c'est pour ça ? Non, oui, j'ai du mal à le dire parce que je ne sais pas ce que ça implique derrière. Et les Raéliens ? Est-ce qu'on peut les rémunérer par l'État ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas hostile à ça. Ah, bah voilà. Il met un certain temps à être cohérent, mais quand il est cohérent, il l'est à fond, Polo. Bon, moi, je vais créer une secte où Clara Dupont-Mono est une déesse et où Alex Vizorak qui sera le prophète. Et il sera interdit de vous caricaturer, Alex, parce que vous êtes assez fort pour le faire vous-même. Et si quelqu'un s'y risque, il sera pendu ou pire, envoyé en Champagne-Ardenne. Merci, Guillaume Meurice. Notre comique d'investigation est comique de péniche aussi, puisque vous jouez ce soir à 21h30, vous serez à la Nouvelle Scène à Paris. Mais oui. Une très jolie selle qui est sur une péniche amarrée au pied de Notre-Dame. C'est ça, c'est exactement ça. Vous allez blasphémer au pied de Notre-Dame, c'est bien joli. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Jean-Pierre Mocky et on aborde le deuxième sujet avec vous. Après le palmarès à Cannes, le cinéma français est à la fête. Et fête et cinéma français, c'est pas toujours faut en profiter, c'est ça arrive pas souvent. C'est une triste fête. Non, le problème du festival, c'est que j'ai toujours, je le suis depuis 68 ans. Il y a que 10 ans où je me suis arrêté de le suivre, mais enfin, je veux dire, je le connais depuis sa fondation. Il a beaucoup changé. Au début, on voyait Gary Cooper, Ingrid Bergman, Charlie Chaplin, etc. Aujourd'hui, on voit des gens qu'on connaît plus ou moins, qui sont tous en train de choisir des sujets pour avoir le prix. Alors, exemple, des Indiens à Paris, des choses, rien que des films faussement sociaux. C'est-à-dire, on se dit, tiens, je veux aller à Cannes l'année prochaine, donc je vais faire un truc. Alors là, sur les SDF, ou alors sur les camps de concentration, ou alors sur des infirmes. Un truc ou fun. Alors, on choisit des sujets où on est obligé d'avoir le prix. Ma mère est morte, va mourir après, etc. Rien que des trucs comme ça, mon fils est mort, rien que des trucs à se flinguer, mais en plus qui n'ont rien à voir avec le mystère de Tom. Enfin, les frères Cohen font pas ça d'ailleurs dans le cinéma, ils font pas du tout ça. Et Tim Burton et Terry Gilliam et tous les autres. Et c'est là, vrai, brusquement, ils vont tous là pour faire des trucs et puis avoir un chômeur. Évidemment, on est triste de voir tous ces chômeurs. Etc. Tout ce qui a été récompensé, ce sont des films qui ont été faits comme des élèves pour passer à Sciences Po, vous comprenez? Vous dites que c'est facile de gagner la palme, en gros. Mais écoutez, quand on a fait un film, moi j'ai eu des parents qui sont morts en camp de concentration. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire un film là-dessus. Vous voulez pas la palme. Il y a eu des films comme ça, formidables, il y a eu Nuit et brouillard, il y a eu... Pourquoi aller dans un festival et... être concurrent dans un truc où vous êtes sûr de gagner? Parce qu'en fait, c'est ça. On peut pas ne pas donner le prix à quelque chose comme ça. C'est trop grave, les camps de concentration. Même si le film est pas très bon, ça fait rien. Il faut donner le prix à ça. Vous comprenez? C'est pour ça que tout est faussé. Après, vous prenez un pauvre Indien qui vient en France. Mais vous prenez des sujets, un paralytique, etc. Alors, évidemment, vous avez une espèce de commotion. C'est-à-dire, les gens sont émus et ils peuvent pas donner le prix à une comédie où il y a deux types qui regardent une femme à poil dans une piscine. Alors Jean-Pierre Lecky, est-ce que c'est pas votre côté un peu italien? Parce que justement, le cinéma... Mais italien madré, c'est un type qui parle de la mort de sa mère. Je respecte la mort, mais on peut pas faire un film, c'est pas Dalida. Alors vous savez qu'il y avait Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone qui n'ont pas reçu de prix, c'est le cinéma français qui a gagné. Eux, ils étaient bien. Les Italiens sont pas contents et La Repubblica, dans son édito, dit c'est un festival de l'engagement social, finalement c'est le récit de la réalité qui l'emporte et on a oublié les Italiens. Et aujourd'hui, on ne donnerait pas le prix à Fellini. On ne donnerait pas le prix à Visconti. Vous voulez dire pas que le festival, est-ce que vous diriez que le festival de Cannes s'achète une bonne conscience? Mais le festival de Cannes, c'est l'image de ce type qui vend des bijoux, qui est entouré de pépettes, de petites pétasses, et qui sont toutes belles, qui se font baiser toute la journée. Et on est en train tout simplement de vendre des bijoux. Et on vend pas du tout des films. Il y a des gens qui aiment ce cinéma. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle, c'est que mon ami Pierre Lescure, vous avez vu ce qu'on en fait à Canal même, en disant tu vas pas voir les films c'est de la merde. Et vous avez vu ce qu'on lui fait faire dans les c'est guignols. Les guignols. C'est les guignols. Ben, mais oui, mais les guignols quand même. C'est quand même le respect. Alors ce festival, d'abord, il faut pas de prix dans un festival parce qu'il y a que des combines après. Il faut qu'on présente des films. Tout simplement, aux spectateurs, et il n'y a pas de prix. Parce qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, un petit film de rien du tout avec une super production, ou des mecs comme Audiard et Necker qui ne travaillent que pour le festival. Ils sont payés pour travailler pour le festival. D'ailleurs, vous avez peut-être vu ce qu'a dit Audiard il a dit « Necker, je suis là ». Ben, on est là, il y avait Angelopoulos avant, il y avait toute une bande de mecs comme ça qui sont chiants, les frères Dardenne, toute la bande. C'est les Belges. Mais je m'en fous qu'ils soient Belges ou Chinois. Non, mais écoutez, on n'est pas au cinéma pour se faire chier. Alors, les gens, ils regardent ça, ils se font chier, mais ils trouvent ça très bien. C'est fou qu'un grand cinéaste alors, comme merde, vous. Non, moi j'aime Hitchcock, j'aime Clouseau, j'aime autant Lara, j'aime je sais pas qui, on n'est pas là pour se faire emmerder, merde. C'est vrai. Mais là, vraiment, c'est un scandale. Rebaptisons-le le festival de la petite combine. Alors. Mais écoutez, moi, le cinquième festival que j'ai vu un monsieur me donner le prix du film. Mais il y a deux femmes que le prix avant le début du festival, on connaissait le prix. Il y a deux femmes formidables. C'est Madame Ingrid Bergman et Françoise Sagan. Vous savez ce qu'elles ont fait quand on a voulu leur imposer un prix? Elles se sont barrées. Elles ont foutu le camp. Ça, c'est avoir des couilles. Ça s'appelle avoir des couilles, ça. Et ces deux femmes. Et Par contre, Scorsese, il a donné à l'unanimité le prix à un film il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, il dit qu'il n'aimait pas. Il se baladait en disant « je ne l'aime pas » et puis il était à l'unanimité. Vous vous rendez compte? Il y a de quoi vraiment rentrer en colère. C'est pour ça que je rentre en colère. Oui, vous avez raison, c'est salutaire. Jean-Pierre Mocky est avec nous, vous l'aurez compris, sur France Inter. Et c'est le moment de revenir à votre livre, Jean-Pierre Mocky, « Je veux encore me faire des amis ». C'est paru au Cherche Midi et Clara Dupont-Monod l'a lu. Et oui, alors Jean-Pierre Mocky, déjà le titre « Je veux encore me faire des amis ». Dans cette émission, on s'est souvent fait la réflexion, donc on avance en terrain connu. Alors, votre livre, c'est une sorte de bilan affectif, en fait. Mais surtout, mine de rien, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous passez en revue les idées reçues sur le cinéma. Parce que votre livre, on peut aussi le lire comme ça. Par exemple, une idée reçue, comme ça, on l'entend souvent, on dit souvent « le cinéma français se porte bien ». Bon, et bien vous, vous dites « faux ». Faux parce que le cinéma français souffre d'une maladie invisible que vous appelez l'autocensure. Et je cite un peu votre pensée, vous dites que pour fabriquer un film aujourd'hui, il faut du compromis, du lisse, pour plaire aux distributeurs, accessoirement au public. Et je vous cite, vous écrivez « des films comme Bienvenue chez les Ch'tis ou La vérité si je mens représentent pour moi le pire en la matière. Tout y est dosé, calibré, calculé au millimètre. Il faut ménager la ménagère, flatter le footballeur, faire faire ci au black, faire dire ça à la bimbo de service, etc. C'est asphyxiant et moi j'ai besoin d'air. » Et donc, beaucoup plus loin, vous pestez contre le film La Môme. Pour vous, une hérésie. On est très loin. Vous dites, non, mais je passe en revue justement les idées reçues que, mine de rien, vous torpillez. Parce que vous dites, vous avez connu Edith Piaf. Mais j'ai connu. Alors, attendez voir. Vous la tenez dans mes bras presque. Voilà, alors, c'est ça. C'est une petite femme de 1m50. C'est pas grave qu'elle ait 1m50. Des petits yeux noirs, tout petits. On a collé ces cotillards avec les gros yeux bleus et 1m73. Non, écoutez, c'est pas et possible. Et d'ailleurs, vous écrivez non, le rôle... Je l'aime beaucoup, cotillard, elle est très bien, oui, mais vous pas écrivez pour ça. Le rôle lui va comme des bretelles à une écrevisse. Oui, exactement, ce que vous écrivez, parce que je trouve, si vous, je trouve qu'elle n'a rien à voir avec la Môme Piaf. Alors, deuxième idée reçue, Jean-Pierre Mocky, passez au crible de votre regard corrosif. Le cinéma, c'est une grande famille. Bon, alors là, on repassera. Alors, attention, vous avez eu dans le cinéma des vrais alliés, quand même. Vous avez eu des amis à la vie, à la mort, notamment Bourvil et Jacqueline Maillan, qui ont été, vous les appelez d'ailleurs, mon frère et ma sœur. Alors, vous racontez qu'avec Bourvil, vous aviez un passe-temps favori, c'est de sale gosse de fond de la classe, hein, parce que vous vous asseyiez en terrasse, vous regardiez les gens passer et vous vous foutiez de leur gueule. En fait, c'était ça. Alors, on ne se foutait pas vraiment de leur gueule, on voulait voir comment ils étaient habillés. Il y avait des trucs extraordinaires. Oui, c'est et ça. Après, on reprenait ça. Pour les... Il y a des gens qui sont... Asseyez-vous dans un cas, vous allez voir si vous rigolez pas. Mais parce qu'il y a des gens extraordinaires. Mais il y a des gens plus extraordinaires que nous autres acteurs. Des visages. D'ailleurs, je prends beaucoup de gens dans la rue. Alors, à côté de ça, vous avez noué de solides déceptions, voire parfois quand même des rancœurs tenaces. Vos chapitres, d'ailleurs, dans le livre s'appellent « Les frileux »,« Les amnésiques ». Vous n'épargnez pas grand monde. Alors, vous ne digérez pas que Mathieu Amalric vous ait planté au dernier moment pour un film. Au dernier moment. Voilà, qu'André Dussolier ait refusé de se raser la tête et de porter une salopette pour incarner un de vos personnages. Et alors, il y a une histoire que j'adore, mais en même temps, c'est un peu tragique. Mais vous en voulez beaucoup à Christine Scott Thomas, l'actrice anglaise qui est quand même magnifique. Et alors, elle est magnifique. Elle a toujours été magnifique. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai Je vais raconter l'histoire pour ceux peut-être qui n'ont pas lu votre livre, mais c'est l'idée qu'elle se présente un jour au casting de votre film qui s'appelle Agent Trouble. En plus, elle est avec son bébé. Oui. Et vous lui dites, je vous cite, il me reste un rôle féminin à pourvoir, celui d'une pute dont on verra la chatte. Permettez-moi de vous dire, chère madame, que vous n'avez pas le physique de l'emploi, je vous raccompagne. Quelques jours plus tard, elle s'obstine parce qu'elle se représente. Avec cette la fois, chatte, elle a, voilà, elle n'a pas de bébé. Elle n'a pas de bébé. Attendez, elle n'a pas de bébé, mais elle a une mini-jupe. Elle a un décolleté. Elle a un maquillage de camion violé. Vous l'engagez, je vous cite, Agent Trouble, dans lequel on voit effectivement sa chatte, remporta un vif succès public et critique. Et après ce film, là vous ne comprenez pas, Christine Scott Thomas vous ignore. Vous la croisez, elle vous regarde et elle vous salue pas, et forcément vous le prenez mal. Ça c'est l'idée reçue pour la famille harmonieuse du cinéma français, tout ça. Et puis il y a une dernière idée reçue que j'aime particulièrement sur le cinéma. On dit souvent, le cinéma porno, c'est pas l'Eldorado. Bon, et ben faux, dites-vous encore, Jean-Pierre Mocky. C'est Valéry Giscard d'Estaing, vous le rappelez, qui a libéré le cinéma porno. Oui. Après le succès d'Emmanuel, il avait décidé, en fait, que tous les films pouvaient être vus, moyennant quand même 2 choses, qui étaient le classement sous X, et puis une taxe, une taxe très lourde des salles de cinéma. Donc à ce moment-là, toutes les salles déprogramment vos films au profit de l'arrière-train sifflera 3 fois. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vous cite, puisque les distributeurs et diffuseurs voyaient là un moyen de se faire des couilles en or, j'en fis le titre de mon premier et dernier porno. Couille en or, donc c'est votre unique film porno, est sorti. Il a eu aucun succès parce que l'actrice que vous aviez choisie était beaucoup trop douée. Elle appartenait à la compagnie Renaud Barreau. Oui. C'était une vraie comédienne. Et donc votre film a été jugé trop art et essai par la critique. Trop beau, trop beau. Parce qu'ils aiment bien les dames qui ont des boutons, etc. Voilà. Signalons quand même que des années plus tard, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte. Des années plus tard, c'est le richissime mari de cette actrice. Qui a racheté le film. Et voilà. Pour une fortune. Pour une fortune. Ça m'a permis de faire deux autres films. Voilà. Alors, je recite les références. Donc, je vais encore me faire des amis de Jean-Pierre Mocky, paru au Cherche Midi. Voilà, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez aimé La Tentation du Christ? Vous avez quand même bien connu Jésus. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas vous le père. Non, mais vous savez, j'ai failli jouer Saint-Paul dedans. Parce que, non, mais c'est vrai. C'est une histoire fou. C'est mon ami Scorsese, je dis mon ami toujours, parce qu'on me le reproche quelquefois. Mais c'est vrai qu'il m'avait proposé de faire ça, parce qu'il trouvait difficilement des acteurs pour jouer les apôtres. Personne ne voulait le faire. Vous avez refusé de tourner avec Scorsese alors ? Non, mais j'étais occupé dans un autre film, sinon je l'aurais fait. Il y a des choses à faire, mais pas de raison. Chacun sa vie, après tout. C'était bien, mais alors les trucs sur Dieu, en ce moment j'écris un livre sur Dieu. Alors vous me direz, pourquoi moi ? Parce que les catholiques, Michel Lonsdale, qui est mon ami, il veut qu'on écrive un livre là-dessus, lui il pense qu'à Dieu et tout ça. Bon, et vous qu'est-ce que je vais parler de Dieu ? Bah oui. Je ne sais pas ce que je vais en dire. Je ne connais pas. Non, mais vous, il faut y aller. Là. Vous dites que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas trop la religion, ça vous l'écrivez, mais en même temps, vous acceptez parfaitement le principe de croyance. Voilà, je crois à quelque chose, que ce soit des bouddhistes, les musulmans, n'importe quoi. Je crois qu'il y a un Dieu, je ne sais pas comment il est exactement. Mais ce que je n'aime pas, c'est les représentants de Dieu. Ceux qui mettent la main à la quéquette des petits garçons que j'étais à l'époque. Et alors, il a fallu que je foute un coup de poing. Et depuis ce jour-là, ce coup de poing s'est transformé en une vive critique de la religion et surtout des religieux. Alors, d'ailleurs, je vais bientôt voir le pape, je vais lui en parler, parce que... Mon ami le pape. Non, parce que je viens de faire un film qui s'appelle Les Compagnons de la Pomponnette. Et Les Compagnons de la Pomponnette, c'est un film sur l'échangisme. Mais il ne faut pas oublier que l'échangisme a été prôné par le pape Jules III en 119 après Jésus-Christ. Mais enfin, c'est une référence c'est comme ça. C'est une autre histoire. Et voilà. Troisième sujet avec vous, Jean-Pierre Mocky. À 6h20 du matin, l'aide-soignante apporte sa première bière à Philippe dans sa maison de retraite. C'est une maison pour SDF où l'alcool et les sorties sont autorisées. Pourtant, voilà ce qui arrive quand De Clodo essaye de réserver une chambre d'hôtel. Monsieur. Mon ami et moi, nous aurions souhaité une chambre, une très belle chambre. Ah, et malheureusement, l'hôtel est complet. Vous êtes sûr ? C'est bon. Vous voulez vérifier, s'il vous plaît ? Ah, laisse tomber. C'est mon ami. Absolument. Une question. Admettons que le président de la République, M. Mitterrand, arrive ici dans 5 minutes pour coucher. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, si c'est le président de la République, nous lui trouverons une suite. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il vient pas ! On prend sa chambre. Vous avez reconnu votre ami Richard Bohringer dans Une époque formidable. Voilà, c'était un double page dans Libération hier sur une maison de retraite où les pensionnaires sont libres de leurs mouvements, de leurs horaires et de boire de l'alcool. Il y a même des SDF qui partagent leur cubide rouge dans la chambre de leurs potes. Formidable. D'ailleurs, nous avons l'intention avec Jamel Debbouze, plein de Jeanne Fonda et plein d'acteurs. Aznavour, Lynn Renault, on a envie de faire un film sur les SDF pour leur donner un statut. Parce qu'en fait, nous, on ne veut pas seulement qu'ils soient accueillis et qu'ils puissent boire dans une maison de retraite. Parce qu'ils n'aiment pas être enfermés, eux. Et c'est des gens qui aiment la liberté, et puis on leur vole leurs affaires. Vous savez, alors même si on leur donne à boire, ça n'empêche pas les gens de se voler entre eux. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller à l'abri du froid, etc. C'est pour ça qu'ici, la maison de retraite s'adapte à eux. Qu'ils vont trouver un système pour que ces gens-là puissent vivre enfin et qu'on leur donne un RMI ou quelque chose au lieu de mendier comme ils le font. Parce que leur seule manière, c'est de mendier. Sinon... Eux cachent qu'ils sont SDF souvent, mais moi, quand je vois ça, je me dis, quand je serai vieille, je vais dire que je suis SDF, parce que moi, si je peux boire un coup de rouge à midi, ça m'arrange. Non, vous savez, vous vous déguisez, il y en a qui se déguisent. Il y en a même qui ne sont pas SDF, mais qui veulent vivre la vie d'aventure d'un SDF, parce que c'est moins emmerdant d'être SDF, en fait, à part les problèmes de froid et de choses comme ça, mais que de vivre à la retraite en train de cultiver son jardin. Un retraité, il se fait chier, un retraité. On est sûr de ça. Alors, évidemment, il y a des inconvénients, mais il est libre comme l'air. Alors, il est libre. Vous parlez de Jacques Chirac, qui s'emmerde pour le Chirac. Et pour la véritable information, vérifiez, recoupez, vous pouvez faire confiance à Alex Vizorek. Bitte. Ihre Rolle. Qu'est-ce qu'il dit? Is es nun. Rupir. Dem Europäischen. Ja, ja. News au kilo. Traum. Ah bah tu vois, je suis déjà bravo. C'est moi, vous osez vous foutre? C'est un film emmerdant. Mais j'avais plein de films. Première information, Jean-Pierre Mocky a un paquet de films en préparation. Tous les sujets, il y a un film. N'achetez pas son intégrale. Et on commence par du sport en Iran. Oui, du sport en Iran où 90 000 fans du club Tractor Sazi ont envahi le terrain pour fêter le titre avant qu'ils se rendent compte que les dirigeants du club les avaient manipulés pour éviter les émeutes en cas de défaite. Donc on leur a dit qu'ils étaient champions et pas ils l'étaient pas. C'est une bonne méthode. Oui, et je pense que c'est exactement ce qu'ont pensé les jurés du festival de Cannes en donnant les prix aux Français. Ils ont eu trop peur qu'il y ait des émeutes au masque et la plume. Et voilà, d'accord. On va en Australie. Oui, à la rencontre de Mahama Al-Mouza, une dame de 52 ans, mère, qui continue à allaiter régulièrement sa fille. Amina, qui est âgée de 6 ans. Oui, ça peut être choquant. Mais c'est choquant, mais moi ça m'a touché particulièrement, puisque la mienne m'a demandé récemment qu'on arrête, et ça m'a c'est fait... C'est un animal, l'enfant. Non, 6 ans, cette dame. Encore plus aberrant en Turquie, Alex. Oui, dimanche, un télé-évangéliste musulman qui prodigue des conseils donc, sur la chaîne turque 2000 TV, a eu un téléspectateur qui lui demandait « Est-ce que c'est grave de continuer à se masturber quand on est marié ?» Le religieux a répondu « Il faut résister aux tentations de Satan. Ceux qui ont des rapports sexuels avec leurs mains trouveront leurs mains enceintes dans l'au-delà. » Ah, c'est choquant aussi. C'est choquant. Et moi, ça m'a touché particulièrement puisque depuis que ma mère m'avait voulu plus m'allaiter, j'avais trouvé une distraction, mais je vais arrêter aussi. On va pas parler de ce sujet aussi épineux, là. Ah, mais moi, c'est du lourd. En fin d'émission, c'est du très lourd. Vous avez compris l'importance, évidemment, de cette revue de presse. Je vais faire un film sur les gens qui se branlent. Oh, on est heureux de vous avoir donné cette idée, Jean-Pierre Mocky, parce qu'on s'assure que ce sera rigolard. Si vous cherchez des seconds rôles. La grossesse non désirée de la main. Je rappelle le titre de votre bouquin « Je vais encore me faire des amis ». Jean-Pierre Mocky, c'est paru au Cherche Midi. Merci Jean-Pierre Mocky, on a passé un bon moment avec vous, voilà. Comme avec je vos films. Je vais m'en faire encore des amis après tout ce que j'ai raconté. Et allez au cinéma de Jean-Pierre Mocky, allez voir ses films au Desperado, quartier latin, à Paris. Allez, nous on se retrouve demain, je laisse le mot de la fin, à Gabin, dans la peau d'un Michel Audiard qui aurait vu son film couronné à Cannes, son fils. Toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de morveux.